Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Donc, Cheikh Mounir, al-Sa'di, al-Adani, hafidhahullah, a dit, cette allocution a pour titre, wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Elle est adressée à nos frères du Merkez el-Ghuraba à l'occasion du séminaire intitulé « La jurisprudence du foyer musulman ». Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce séminaire soit profitable. Allah dit dans son noble livre « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha » وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Parmi ces signes, qui montre sa puissance, sa grandeur, sa sagesse, et qui montre également sa miséricorde et sa bienveillance pour ses serviteurs, le fait qu'il a créé de vous et pour vous des épouses, c'est-à-dire qu'il a créé de votre race, la race humaine, des êtres féminins, pour qu'elles soient pour vous des épouses. Il n'a pas créé ces êtres féminins d'un autre genre que le genre humain, comme les djinns ou les animaux. Dans ce cas, ils auraient éprouvé de la répulsion et ils auraient divergé. L'amour et la bonne entente n'auraient pas été possibles. C'est donc un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait fait du genre humain des hommes et des femmes et destiné les femmes à être des épouses pour les hommes. C'est ainsi qu'il a créé notre père Adam alayhi salam et a créé à partir de lui Hawa, sa femme. Il l'a créé à partir de sa côte gauche. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida » Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, c'est-à-dire Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, et a créé de celui-ci son épouse, c'est-à-dire Hawa, pour qu'il vive auprès d'elle. Et sa parole, Azza wa Jal, khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ceci est une preuve que la femme a été créé pour l'homme, à son intention, pour qu'il trouve la paix auprès d'elle, la tranquillité, le repos de l'âme, la quiétude, l'apaisement et la stabilité. L'homme sort de chez lui à la recherche de ce qui lui est utile pour lui et ceux qui sont à sa charge. Il fait des efforts et se fatigue. Quand il revient chez lui, il trouve sa femme qui l'accueille en ayant pris soin de ses affaires, l'éducation de ses enfants et les choses de la maison. Elle l'accueille avec des paroles pleines de bonté et de respect. Il trouve alors auprès d'elle le repos, la stabilité et le calme après l'agitation de cette vie en dehors de chez lui. Il faut que la femme prenne cela en considération et qu'elle soit pour son mari un apaisement afin d'éviter qu'il recherche la paix, la tranquillité et le repos en dehors de son foyer. Rappelez-vous la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan » et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. parmi les personnes les plus concernées par ce verset, les deux époux. L'épouse doit donc adresser à son mari des paroles pleines de respect et de considération. Et le mari doit adresser à sa femme des paroles bonnes, gentilles et douces. Alors la paix, la sérénité et la tranquillité peuvent s'installer dans le foyer. Mais ceci ne se concrétisera que si l'atmosphère est propice à l'amour et la bonté entre les deux époux. C'est pour cela qu'Allah a dit « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. De l'affection, c'est-à-dire de l'amour. Ainsi, l'homme ressent de l'amour envers sa femme et elle également. Il a du désir pour elle et elle en a pour lui. Il trouve du réconfort auprès d'elle et elle en trouve auprès de lui. Il ressent de la jalousie pour elle et elle en a pour lui. Il la protège, la défend et fait attention à elle. Et elle prend soin de lui. Il a de la miséricorde pour elle et elle a de la miséricorde pour lui. Il a de la compassion pour elle et elle a de la compassion pour lui. Il a de la bienveillance pour elle et elle a de la bienveillance pour lui. Le shir dit ensuite « Subhanallah, Subhanallah ». Avant le mariage, ils ne se connaissaient pas. Ils s'ignoraient l'un et l'autre. À partir du moment où ils se sont mariés, Allah a mis entre eux la paix, l'amour et la miséricorde. Or, depuis de nombreuses années, plus de 100 ans probablement, les médias d'information répètent sans cesse, à travers les chansons, les séries télévisées et les films, l'idée qu'un mariage ne peut être réussi que s'il est précédé d'une relation entre le jeune homme et la jeune femme, une relation d'amour, de passion et d'excès. Ils n'ont eu de cesse de rabâcher cette idée pendant des dizaines d'années, ce qui a fait tomber de nombreux musulmans dans l'insouciance. Quant à ce qui se cache derrière elle comme déviance et dégénérence au niveau du comportement et de la morale, ce qui se cache derrière ce genre de relation avant le mariage comme corruption, acte criminel odieux, transgression des interdits et honneur bafoué. Je peux peut-être ajouter que dans les universités de certains pays arabes, des études ont été faites concernant les mariages précédés de relations. Et ceux qui n'ont pas été précédés de relations et qu'ils appellent mariage traditionnel, quel fut le résultat? Le résultat est que les mariages avec des relations précédant le mariage, des relations d'amour et de passion, ont un taux d'échec de 88%. C'est-à-dire le taux de réussite de ces mariages ne dépasse pas les 12%. Quant aux mariages traditionnels, qui n'ont pas été précédés d'une relation, leur taux de réussite est de 70%. Même dans les pays non musulmans, occidentaux, des universités ont trouvé que la plupart des mariages précédés de relations sentimentales finissent par un échec. Subhanallah, ceci est la création d'Allah. Il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde, non pas des passions illusoires, ni des histoires sentimentales imaginaires. Il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Comme l'a dit le grand savant Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, de l'affection et de la miséricorde. En effet, l'homme retient sa femme auprès de lui, soit par amour pour elle, soit par miséricorde envers elle. Celle-ci étant par exemple la mère de ses enfants, ou étant dans le besoin ou autre. Et le grand savant, Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il est généralement rare de trouver entre deux personnes ce qu'on trouve entre les deux époux, comme affection et miséricorde. C'est pour cela que ces caractéristiques, l'amour et la miséricorde entre les deux époux, la tranquillité et la paix dans le foyer marital, sont des signes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et des preuves que lui seul mérite l'adoration. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset: Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent, c'est-à-dire ceux qui méditent. Puis le cheikh termina son allocution en disant: nous demandons à Allah par sa grâce que nous soyons parmi ceux qui écoutent la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Nous lui demandons aussi qu'il nous réforme nos épouses et nos enfants.